Le 28 février, le nouvel élu se trouvait en vue d'une terre qui lui restait à 8 000 dans l'ouest. L'île de Ceylan, cette perle qui pend au lobe inférieur de la péninsule indienne. Le capitaine Nemo et son second parurent en ce moment. L'île de Ceylan, dit le capitaine, est une terre célèbre pour ses pêcheries de perles. Vous serait-il agréable, monsieur Aronnax, de visiter l'une de ses pêcheries ? Sans aucun doute, capitaine. À propos, monsieur Aronnax, vous n'avez pas peur des requins ? Des requins ? M'écriai-je. Cette question me parut pour le moins très oiseuse. Eh bien, reprit le capitaine Nemo, je vous avouerai, capitaine, que je ne suis pas encore très familiarisé avec ce genre de poisson. Nous y sommes habitués, nous autres, répliqua le capitaine Nemo, et avec le temps, vous vous y ferez. Et me voilà, rêvant de requins, songeant à ses vastes mâchoires, armées de multiples rangées de dents, et capables de couper un homme en deux. Je me sentais déjà une certaine douleur autour des reins. Puis, je ne pouvais digérer le sans-façon avec lequel le capitaine avait fait cette déplorable invitation. N'eût-on pas dit qu'il s'agissait d'aller traquer sous bois quelques renards inoffensifs ? Bon, pensais-je, jamais Conseil ne voudra venir, et cela me dispensera d'accompagner le capitaine. Quant à Ned Land, j'avoue que je ne me sentais pas aussi sûr de sa sagesse. Un péril, si grand qu'il fût, avait toujours un attrait pour sa nature batailleuse.